Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est assurément une des découvertes de l'été, de celles qui nous montrent que tout peut être encore découvert à deux pas de chez nous, de celles aussi qui relancent la recherche sur un thème, un site ou une région plus ou moins tombée dans l'oubli. Ce soir, départ pour la Haute-Garonne et les grottes de Montmorin qui auraient dû être sacrifiées sur l'autel de l'aménagement du territoire. Rappelons qu'au sud-ouest de Toulouse, non loin de Saint-Gaudens, René de Saint-Périer découvrit le 9 août 1922 la fameuse Vénus de Lespugue, aujourd'hui conservée au Musée de l'Homme. Le 11 août de cette année, l'équipe d'Amélie Vialet a fait une autre découverte dans la grotte de Coupe-Gorge. Amélie Vialet, bonsoir. Bonjour. Maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes anthropologue biologique et travaillez sur l'évolution humaine en Eurasie. Depuis le Pléistocène inférieur, vous nous raconterez tout. Parallèlement, vous vous intéressez aussi à l'épistémologie de votre discipline. Amélie Vialet, revenons au 11 août. Que trouvez-vous ? Alors le 11 août, nous avons fait une belle découverte, mais ça faisait déjà une dizaine de jours que nous étions sur le terrain. Et quand on est dans un contexte de reprise de fouilles anciennes, des belles découvertes, on en fait tout de suite, parce qu'on est tout de suite sur des niveaux intéressants et qui présentent beaucoup de vestiges. Alors on avait fait équiper cette partie de la grotte de Coupe-Gorge d'un échafaudage tout à fait adapté pour travailler en sécurité dans une zone un peu spéciale, parce qu'en fait c'est une espèce, nous on l'appelle le puits, mais c'est pas tout à fait le terme, c'est la zone principale de fouilles de Louis Méroc, donc à l'époque jusqu'en 1961. Et donc, cette zone, en fait, qui fait 3 mètres sur 3 à peu près, eh bien, il l'a descendue, lui, jusqu'à 5 mètres de profondeur. À 5 mètres de profondeur, il y a découvert un hémisquelette de lion des cavernes, qui est un très beau spécimen qui est présenté aujourd'hui au musée de Montmorin. Et donc, nous avons équipé ce puits, cette zone de fouille très profonde, pour travailler en sécurité et pour que notre géologue puisse en fait bénéficier de ces 4 grandes coupes, hein, c'est-à-dire des coupes stratigraphiques verticales sur pas loin de 7 mètres de haut, pour pouvoir donc les nettoyer, les raviver, comme on dit, de façon à bien lire les différentes strates et pouvoir les dessiner, donc faire des relevés, et puis faire aussi des prélèvements de sédiments pour caractériser ces différents niveaux archéologiques. Et donc c'est à cette occasion qu'il a en effet identifié dans la coupe une petite dent d'allure humaine. Donc bien évidemment, à ce moment-là, toute l'équipe frétille. C'est bien sûr ce que vous cherchez, puisque vous travaillez aussi sur les structures dentaires ? Dans ces fouilles et dans ces remplissages qui ont déjà livré beaucoup de matériel, hein, l'équipe de Louis Méroc nous a laissé, ne serait-ce qu'au dépôt de fouilles de Toulouse, une centaine de caisses de matériel lavé, marqué, mais non étudié. Hein, donc on a du travail à faire sur ces collections. Donc ce site est extrêmement riche, hein, mais il va nous apporter beaucoup de choses en termes de connaissances des comportements de ces hommes du paléolithique moyen et du paléolithique supérieur, donc à tous les niveaux, autant sur les comportements techniques avec les pierres taillées que sur le contexte paléo-environnemental avec justement la grande faune, la micro-faune ou alors les pollens qui sont piégés dans le sédiment qu'on peut étudier hein, pour reconstituer ces contextes des paléo-paysages. Donc à tous ces niveaux-là, c'est extrêmement riche. Mais en plus, on sait qu'à Coupe-Gorge, il y a 2 niveaux qui ont livré des restes humains. Donc là, évidemment, la paléanthropologue que je suis est très intéressée par la question et très proche du niveau, en fait, dans la partie supérieure de la stratigraphie, donc très proche du niveau de fouille que nous reprenons maintenant, on va très vite arriver sur un niveau qui s'appelle 3Z et qui a déjà livré donc 3 restes humains. Lesquels ? Un fragment de mandibule d'enfant, la partie du menton, enfin, qui ne présente pas de menton justement, puisqu'il s'agit d'un néandertalien, mais on a cette partie-là qui porte normalement les incisives. Hein. Donc là, les incisives de lait ne sont pas préservées, mais on a les germes dentaires des deux incisives centrales. Donc cette petite mandibule attribue à un enfant entre 5 et 6 ans, quelque chose comme ça. Donc très intéressant, parce qu'il y a la phylogénie, mais aussi l'ontogénie. Exactement. Donc étudier les enfants, c'est capital pour vous. Voilà, alors c'est complexe, parce que justement, ils présentent des morphologies qui ne sont pas définitives, hein, qui sont en cours de développement, mais c'est très intéressant d'un point de vue justement de la croissance humaine et notamment chez ces néandertaliens. Et il y a aussi deux dents isolées, donc une canine et une prémolaire qui ont été découvertes dans ce niveau. Donc c'est vrai qu'on était en éveil sur le fait d'avoir la chance éventuellement de trouver d'autres restes humains dans ce niveau. Je le disais, ces grottes ont été très menacées, notamment par l'exploitation de carrières. Des pétitions avaient alors beaucoup circulé. Cette découverte tombe bien. Alors, il y a plusieurs époques hein, à discerner. Il y a l'après-guerre, l'immédiate après-guerre. On est en 1945 et en effet, il y a une exploitation de ce calcaire dans ce massif de Montmorin, Montmorin-l'Espugue. Hein, c'est le même petit promontoire qui est découpé par deux grands cours d'eau, enfin deux petits cours d'eau, mais qui ont été très actifs pour justement découper ce promontoire. La Save d'un côté, la Seiguade de l'autre. Vous rappeliez la Vénus de l'Espugue, elle a été trouvée justement côté Save. Or, les grottes dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui, Coupe-Gorge notamment, et côté Seiguade. Et donc, en fait, les carrières juste après-guerre ont permis la mise au jour de toutes ces séquences stratigraphiques de ces remplissages et donc de ces vestiges préhistoriques. Et très tôt, il a été établi un contact entre les carriers et puis un peu les éminences de l'époque, notamment le comte Bégouin ou l'abbé Henri Breuil, qui ont finalement confié ce travail de fouille archéologique minutieuse à Louis Méroc, hein, qui était un petit peu leur candidat de prédilection parce qu'il l'avait formé à la préhistoire et qu'il avait tout à fait la carrure pour développer les travaux nécessaires et surtout prendre soin de faire des fouilles. On est dans l'immédiate après-guerre, donc avec réellement une méthodologie extrêmement fine et précise qu'il a lui-même mise au point. Et donc ça, c'est une des avancées pour les pratiques archéologiques. Donc là, on est après-guerre. Et Louis Méroc va faire une espèce de troc, c'est-à-dire qu'il va faire classer ce petit promontoire qui contient trois étages de grottes et dans lesquelles il va effectuer des fouilles pour chacune, quasiment. Il sait qu'il y a une occupation humaine récurrente et importante depuis le paléolithique moyen jusque même après le paléolithique supérieur. Donc il fait classer ce petit promontoire qui est d'une petite superficie finalement. Là, on est le 14 décembre 1949. Et comme ça, ils peuvent travailler tranquillement. Et les carriers continuent leur exploitation, mais sur une autre partie du massif. Ça a duré jusqu'en 2007, c'est bien ça l'exploitation des... Voilà, alors maintenant on revient un peu vers nous, hein, sur notre époque contemporaine, où en effet, dans cette région, il y a des exploitations de carrières, et la dernière à Montmorin a duré jusqu'à une époque assez récente, hein, et il se pourrait qu'il y ait une reprise aussi de ces activités, puisque ce calcaire est toujours un petit peu convoité. Alors, bien évidemment, ce serait très dommageable, d'abord parce que c'est un charmant petit village, petit promontoire, une région dont on tombe facilement sous le charme. Et puis ensuite, il y a une vraie biodiversité importante. Ça on le doit à l'interfluve, en fait, à la confluence de ces deux cours d'eau, Save et Seiguade. Et puis, il y a une richesse patrimoniale qui est absolument inédite entre ces occupations paléolithiques très, très intenses et ensuite qui peuvent se prolonger longtemps puisqu'on a à Montmorin des villas gallo-romaines qui sont parmi les plus belles du genre. Quel est le contexte de ces grottes de Montmorin? J'ai vu qu'il y avait des sortes d'étages. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit massif qui finalement ne va pas être englouti sous ce qu'on appelle les molasses, c'est-à-dire toutes les produits d'érosion de la grande chaîne pyrénéenne hein, qui vont arriver, qui vont combler beaucoup des vallées alentours. Dans le promontoire de Montmorin va être un peu épargné et les cours d'eau vont creuser justement ce promontoire. Ils vont creuser différentes cavités, ce qui veut dire qu'en fait, on a des cavités étagées et qui suivent très probablement l'enfoncement des cours d'eau au cours du temps. Donc vous avez les terrasses fluviatiles qui sont les plus anciennes, ce sont les plus hautes. Elles ont dû circuler dans ces réseaux et constituer des galeries, donc en partie supérieure du massif. Et puis pareil en partie moyenne et pareil en partie inférieure, c'est-à-dire l'équivalent du bord de route aujourd'hui. Revenons à cette dent donc découverte cet été. Il s'agit de la deuxième incisive gauche d'un adulte, mais à qui peut-elle appartenir ? Alors, notre idée première, c'est un néandertalien. Et puis finalement, c'est vrai qu'on a, ensuite, une fois rentré au laboratoire, on a procédé à plusieurs comparaisons, des mesures, etc. Et puis, on a envie de clarifier, en fait, l'appartenance à un néandertalien dans le sens où la racine de cette dent, alors elle paraît assez longue, hein, mais finalement, elle reste dans les valeurs hautes de ce qu'on connaît pour les néandertaliens. Mais c'est surtout sa forme qui n'est pas trop dissymétrique et qui n'est pas très aplatie, dans le sens, on dit, nous, mésiodistale, bon, voilà, qu'on a envie de vérifier, et notamment parce qu'il y a une autre alternative possible, c'est que ça puisse être une dent d'ours qui ressemble beaucoup pour beaucoup de caractéristiques. Donc on est en train de compiler un petit peu toutes nos informations, d'affiner nos comparaisons, et on va même justement faire des comparaisons sur les caractères internes de ces dents d'ours et de néandertalien, de façon à avoir un maximum d'éléments pour pouvoir eh bien, conclure, tout simplement. Et donc les caractères internes, c'est par exemple l'épaisseur de l'émail, l'épaisseur de la dentine, qui sont les tissus qui forment la dent, et puis la cavité, le canal radiculaire aussi, dont le volume peut être un petit peu différent entre les carnivores et l'homme. Amélie Viollet, pourquoi cette dent possède-t-elle une usure très marquée ? Alors ça, c'est quelque chose d'assez commun pour ces populations anciennes. Moi, je connais aussi bien le site de la Cône de l'Arago à Totavel, puisque je fais partie de l'équipe sur Totavel qui travaille sur ce site. Et donc, on a beaucoup de dents qui sont très usées. Donc là, il s'agit de pré-néandertaliens, d'Homo heidelbergensis, qui peuvent avoir 450-550 000 ans. Les dents sont souvent usées, notamment chez les néandertaliens qui sont un peu plus récents. Hein. On pense parce qu'ils utilisaient très vraisemblablement leurs dents, on dit toujours comme troisième main, en tout cas, c'est vrai que ça leur servait à tout un tas de choses, pas uniquement à manger, donc à des activités qu'on dit paramasticatrices, c'est-à-dire peut-être un petit peu de travail du cuir, travail de la peau, des végétaux, etc. En tout cas, très régulièrement, les dents sont extrêmement usées. C'est tous les plateaux, toutes les cuspides qui ont disparu. Oui, alors là, il s'agirait d'un bord incisif, hein, et donc c'est vrai qu'il est complètement diminué, et on arrive avec une très belle exposition, finalement, de dentine au niveau de cette dent. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme analyse dessus ? Il y a une archéométrie autour des dents ? Oui, voilà, c'est ça, on fait toute une série de mesures, et je vous disais un peu la nouveauté, enfin maintenant on fait ça un peu en routine, hein, mais c'est de travailler autant sur les caractères externes qu'internes, et ça c'est intéressant parce que justement, quand la dent est usée, elle ne nous révèle pas tous ses caractères externes. Hein. La forme externe de la dent nous est moins bien connue dans ce cas-là. Donc les caractères internes qu'on a évoqués tout à l'heure nous permettent de bien compléter nos comparaisons. Quelques grands noms de la préhistoire passent dans ces grottes au début du XXe siècle. Cartaillac, Boulle, de Saint-Périer au début donc du XXe siècle. Le grand fouilleur, c'est Louis Méroc qui œuvre de 1946 à 1961. Toutefois, Méroc n'a pas de chance car ce n'est pas lui qui trouve une exceptionnelle mandibule à Montmorin. Oui, c'est ça, c'est un peu l'ironie de la préhistoire. Bon, il va s'associer très vite à cette découverte, hein, mais disons qu'il faut vous imaginer, en fait, ce massif calcaire, il est creusé de nombreuses cavités, et il est souvent, sont même pas des cavités, sont une espèce de diaclase, de cheminées, de conduits verticaux qui vont être comblés d'argile, et cette argile, elle peut récupérer au passage, sur son circuit, en fait, des objets, et puis piéger tout ça, paf, au fond des poches, comme on les appelle. Et donc, à côté de la grotte de Coupe-Gorge, sur le même niveau moyen dont on parlait tout à l'heure, il y a ce genre de cheminée qu'on a appelée la niche et qui n'a pas beaucoup intéressé Louis Méroc, en effet, dès son arrivée sur place en 1945-46. Il pensait que tout venait du haut, c'est ça ? Il avait une un sorte doute. De soutirage. Voilà, il a publié sur la migration des remplissages, comme il l'explique. Et en effet, c'est un phénomène qui est bien connu et qui est du coup un peu complexe pour nous parce qu'il nous faut en effet être sûr de la mise en place de ce remplissage pour pouvoir connaître la bonne association en fait, des éléments entre dans ces remplissages et puis leur datation éventuelle. Donc ça ne l'intéressait pas beaucoup parce qu'il pensait que tout ça avait un peu bougé et surtout son grand projet, celui qu'il a réalisé, c'était de mener des fouilles minutieuses strate par strate, hein, en suivant le pendage des couches, en suivant en fait le sol tel que les hommes préhistoriques l'avaient laissé et d'identifier ces différents niveaux archéologiques très précisément. Et pour ça, une technique assez nouvelle. Voilà, pour ça il a pris en fait vraiment des mesures particulières. Il a déjà été établit un niveau de base, un niveau de référence, et à partir de ce niveau de référence, il a toujours calculé la position exacte de chaque vestige au sein de la cavité et au sein de chaque couche. En fait, c'était une façon pour lui de définir ces niveaux, qu'on appelle unités archéostratigraphiques aujourd'hui, de les définir à la fouille, mais aussi de les confirmer au laboratoire en reportant sur plan, en fait, la distribution verticale et horizontale de ces vestiges, comme on le fait aujourd'hui. On est totalement les héritiers de la méthode Méroc. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Amélie Vialet, on voit dans cette mandibule de Montmorin éventuellement le plus vieux fossile humain français ? Alors français, non, parce que c'est Totavel qui passe en tête. Mais depuis quelques années. Ah oui, depuis les années 80, quoi. Totavel a pris la relève, en fait, des découvertes de Montmorin. Mais c'est vrai, comme la mandibule de Montmorin est découverte le 18 juin 1949, en 1949, quand on fait un état un petit peu de la connaissance de l'époque en paléanthropologie, elle est très menue, hein, je veux dire, les fossiles sont rares. On a le fossile de Mauer, qui est une mandibule également, qui a été trouvée tout début du XXe siècle, en Allemagne, donc. Et puis après, on a quelques néandertaliens connus, mais voilà, on a très très peu de pièces sur l'échiquier. Donc évidemment, la mandibule de Montmorin fait grand bruit parce qu'elle a une morphologie un petit peu primitive, un petit peu archaïque. Elle est associée à de la faune un petit peu ancienne aussi. Hein. On a un ours, par exemple, qui est un ours, aujourd'hui on pense ours des cavernes, un petit peu archaïque. À l'époque, on le voit plus comme un ours de Déningéri. Donc c'est une faune qui est assez ancienne. Donc on voit bien qu'on a là un fossile qui est parmi les plus anciens d'Europe, quasiment, dans les années 50. Aujourd'hui, donc, elle est bien sûr conservée au Musée de l'Homme. Curieusement, cette mandibule, l'anthropologue Valois y voit une femme, ou y voyait une femme ? Alors, c'est toujours le souci en paléanthropologie de l'estimation du sexe des individus, parce que, hormis quand on a le bassin qui, pour des raisons évidentes, hein, notamment de parturition, montre une différence importante entre les hommes et les femmes, sur les autres os, c'est jamais très évident, donc on s'en remet à la gracilité générale. Le problème, c'est que vous pouvez avoir des hommes graciles et des femmes robustes. Alors à ce moment-là, ben, ça ne fonctionne plus beaucoup. Donc finalement, cette mandibule, c'est vrai qu'elle est un petit peu, je vous ai dit, elle est assez archaïque parce que par exemple, elle a un petit bourrelet osseux à l'intérieur justement de cette zone du menton. Donc elle a des caractéristiques qui sont comme ça qu'on voit plus fréquemment chez les Homo erectus. Mais elle est assez basse finalement, assez allongée et donc elle est de dimension très moyenne. Finalement, elle a en effet cette forme de gracilité. Et donc je comprends pourquoi Valois l'attribue à un individu féminin. Le vrai problème de cette mandibule est sans conteste sa datation. Voilà, alors ça c'est le défi qu'on va essayer de relever, parce que finalement la question n'est pas résolue depuis, pas l'altercation, mais depuis l'opposition qu'il y avait entre Raoul Camas, le découvreur de la mandibule, qui lui croyait, qui a argumenté le fait qu'elle était en place dans un niveau archéologique qui n'avait pas bougé, et puis Louis Méroc qui lui pensait qu'il y avait une espèce de migration des remplissages qui faisait que tout ça n'était pas très in situ. Comme on dit. Et finalement, on ne peut pas les départager aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arguments qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc on s'en remet, nous, aujourd'hui, aux études sédimentologiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment ce remplissage s'est mis en place. Pour ça, les géologues, en fait, vont étudier les minéraux argileux compris dans ces sédiments et essayer de voir d'où ils proviennent, du niveau du dessus, ou bien de la grotte de Coupe-Gorge, ou bien essayer un peu de caractériser la mise en place de ce sédiment qui emballe, si je puis dire, cette mandibule et les autres vestiges associés. Et puis, on va dater. Et ça, sont nos collègues, justement, notamment Christophe Alger et son équipe du Muséum national d'histoire naturelle, qui sont en charge de cela, c'est-à-dire dater des dents d'herbivores associées à cette mandibule, trouvées dans le même niveau que la mandibule. Et incessamment sous peu, nous aurons les résultats. Parce que pour l'instant, vous utilisez une sorte de fourchette extrêmement large. Vous nous dites, en deux mots, qu'on serait sur la transition du paléolithique inférieur et du paléolithique moyen. Ça fait à peu près quoi comme date ? Alors, on est plutôt cœur du paléolithique moyen, cœur du paléolithique moyen, ça fait entre 250 000 et 190 000 ans. Ça, en fait, on le sait parce qu'on pense qu'on est dans une période, justement, un peu tempérée. Donc, c'est ce qu'on appelle le stade isotopique 7. Et on le sait par les ossements d'animaux associés à cette mâchoire, à cette mandibule. On le sait, par exemple, par rapport, je vous disais, au degré d'évolution de l'ours, mais également à la taille des chevaux. chevaux qui sont associés, à la taille des loups qui sont associés. Parce que les chevaux sont d'assez grande taille, finalement, et les loups d'assez petite taille. Et au cours du temps, cette taille, justement, augmente pour les loups et au contraire, diminue pour les chevaux. Donc, avec tous ces indicateurs, essentiellement donc de la faune, hein, donc c'est la biochronologie dont on parle, on propose cette fourchette de date. Amélie Viallet, vous avez entrepris une étude morphologique comparative de cette mandibule. Les résultats sont étonnants. Vous les comparez notamment à un gisement absolument exceptionnel, espagnol, Atapuerca, c'est bien ça? C'est ça, Montmorin, c'est un modèle réduit, le système d'Atapuerca. C'est-à-dire qu'en fait, on a une densité de sites assez unique et une densité de l'occupation par l'homme, justement, dans le cas de Montmorin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cavités à proximité, donc les hommes sont souvent revenus au même endroit. Et donc, on a la chance d'avoir dans notre équipe plusieurs personnes qui travaillent sur les sites d'Atapuerca, notamment beaucoup des paléoanthropologues. Et donc, on a pu refaire une étude tous ensemble, en effet, à la fois de l'architecture osseuse, si je puis dire, de cette mandibule, et puis à la fois des caractères dentaires. Donc, la mandibule préserve ses 3x2 molaires, hein, donc ses 6 molaires sont bien préservés, pas très usés. D'ailleurs, il s'agit sans doute d'un individu adulte, mais assez jeune. Et donc, on a pu, en fait, revoir l'ensemble de ces caractères osseux, dentaires, dentaires externes, dentaires internes, et conclure qu'il y avait une espèce de décalage entre une morphologie primitive et des caractères dentaires dérivés, c'est-à-dire de type néandertalien. Revenons peut-être deux mots sur Atapuerca, qui est quand même un site qui a fait énormément de bruit quand il a été découvert, dont les publications sont absolument très nombreuses. C'est un site unique, avec des individus uniques. Ah oui, ce sont des sites, hein. C'est une concentration de sites incroyables. D'ailleurs, ils ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 et c'est tout à fait justifié parce que vous avez là des hommes qui sont présents dès 1,2 million d'années, donc sont parmi les plus anciennes traces de la présence humaine en Europe, jusqu'à une période beaucoup plus récente d'ailleurs, et en passant par justement ce paléolithique moyen, ce site notamment de la Cima de los Huesos à 400 000 ans, quelque chose comme ça, où on a retrouvé donc une série d'individus au fond d'une espèce de petit puits. Probablement, ils ont été déposés là, selon un concept de gestion des morts, voilà, peut-être avec une consonance symbolique, quelque chose comme avec ça. Un outil extraordinaire. Oui, parce que là, on est devant une petite paléopopulation. Ça veut dire qu'on a un groupe d'individus avec des jeunes et des moins jeunes. Et du coup, on a vraiment une gamme, on a vraiment l'expression de la gamme de la variabilité au sein d'une même espèce et au sein d'un même groupe. Pour vous, Montmorin, ça se rapproche donc plus d'Atapuerca? Est-ce qu'on serait sur un néandertalien ou un anté-néandertalien? On n'est pas strictement sur un néandertalien d'un point de vue biologique, hein, d'un point de vue de la morphologie. On serait éventuellement sur un néandertalien un petit peu archaïque. Après, il faut se méfier un petit peu des phénomènes d'isola. On peut être aussi sur une petite population qui est en plein contexte néandertalien, mais qui garde des traits un petit peu primitifs, par isolement géographique ou génétique, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. On est vraiment, en tout cas, sur cette période de transition, à la fois d'un point de vue biologique, parce qu'on va passer de ces Heidelbergensis erectus au néandertalien, et au niveau technique, comportemental aussi, je veux dire débitage de la pierre taillée, où on a vraiment un passage aussi vers d'autres modes de production plutôt néandertalien, mais pas encore strictement néandertalien. Hein, le débitage levallois, comme on l'appelle, et qu'on attribue beaucoup à Néandertal, est très peu présent dans les différentes séquences des sites de Montmorin. Donc on est comme ça vraiment un moment de transition biologique, comportementale, sans doute aussi dans les modes de subsistance, et en plus, d'un point de vue paléo-environnemental, comme on a des séquences assez hautes, on peut reconstituer justement ces variations des paléo-environnements depuis l'avant-dernière interglaciaire, le dernier glaciaire, etc. Donc on est sur une échelle de temps qui est très importante. Donc, la mandibule de Montmorin, c'est une sorte de clé, quelque part. Quelque chose, c'est un fossile très important. Oui, je pense surtout qu'elle était isolée, comme on l'a dit, dans les années 50, parce qu'on n'avait pas d'éléments de comparaison. Mais maintenant, des sites du stade isotopique 7, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire autour de 250 000, 200 000 ans, on en a plusieurs. Il y a le site de Peyre, par exemple, dans la vallée du Rhône. Il y a le site de Biache-Saint-Vaast, dans le nord de la France. On est sur la même période de temps. On a la chance, dans les trois sites, d'avoir des restes humains. Et on montre très bien que ces restes humains ne sont pas strictement semblables. Les fossiles de Biache sont beaucoup plus néandertaliens dans leur morphologie que ne le sont les fossiles de Montmorin ou de Peyre. Alors Montmorin se regroupe avec d'autres fossiles européens, ça c'est tout à fait normal, mais aussi africains et asiatiques de la même époque. Comment expliquez-vous tout cela ? Là aussi, je crois qu'il faut rester un petit peu large, parce que vous voyez bien qu'on n'a que quelques pièces du puzzle pour reconstituer une histoire de l'homme qui est très vaste. Hein. Mais il est évident que ces populations, elles viennent bien de quelque part. Elles viennent finalement terminer un peu leur histoire en Europe, hein, qui va être une espèce de cul-de-sac dans lequel les Néandertaliens vont se développer et vont dériver génétiquement. Mais ils viennent évidemment de pays comme l'Afrique ou l'Asie, où les représentants notamment des Homo erectus sont très bien connus. C'est-à-dire que si l'on généralise, comment expliquer cette variabilité des hominidés à cette époque pour vous ? Alors finalement, c'est pas qu'à cette époque. On ne parle plus que de variabilité, que de vraiment de radiation des formes fossiles, que ce soit pour les animaux ou pour les hommes maintenant. C'est le cas en Afrique, hein, vraiment sur les formes australopithèques, paranthropes, homo, etc. On voit une très belle diversité. Eh bien en Europe, c'est tout à fait la même chose. Et sur ce qu'on peut appeler la lignée néandertalienne, eh bien on a cette mosaïque de populations qui vont finalement un peu être différentes les unes des autres, mais partager quand même un fond néandertalien commun. Donc on peut y voir l'arrivée de plusieurs vagues de population. Éventuellement, ou des phénomènes un peu locaux, d'isolement ou de... Avec des effacements, des recolonisations ? Oui, tout à fait. C'est sûr que l'histoire a été très complexe et nous finalement, on se situe presque au bout de l'histoire puisqu'on a un peu le résultat morphologique de toutes ces hybridations ou échanges génétiques entre populations et il est donc très compliqué de pouvoir remonter toutes les strates. Alors, à part plusieurs vagues de population, vous formulez aussi l'hypothèse d'une dérive génétique. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est vraiment l'idée de ce phénomène néandertalien qui est une dérive génétique dans le sens où finalement les néandertaliens vont avoir une morphologie de plus en plus particulière. C'est comme ça qu'on les reconnaît bien. D'ailleurs, à la fin de leur histoire, ils ont cette face notamment qui est très projetée vers l'avant. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène dû très probablement à l'isolement géographique et génétique. Alors, célèbres par sa mandibule, les grottes de Montmorin sont tombées dans l'oubli. Elles ont même failli être détruites. Leur fouilleur amateur n'est pas non plus passer à la postérité. Il faut aujourd'hui redonner de l'éclat à ces grottes des Pyrénées. Et je vous remercie d'ailleurs de nous inviter à en parler parce qu'en effet, elles ont un potentiel énorme. On l'a vu avec les petites découvertes faites cet été. On en espère de plus grandes, bien évidemment. Mais il est très clair que les grottes de Montmorin ont encore beaucoup à raconter. C'est peut-être aussi l'histoire du fouilleur qui était amateur, qui n'était pas connecté à l'université. Je crois que Louis Méroc était finalement très bien implanté dans la petite communauté de l'époque. Hein. D'ailleurs, comme il était responsable en fait de la circonscription archéologique, c'est l'équivalent des conservateurs régionaux d'archéologie aujourd'hui. Eh bien, en fait, il a pu tout à fait jouer ce lien entre l'université et puis le terrain. Donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel pour Louis Méroc. Le point de rupture, il se passe en effet dans les années 60-70. Méroc va disparaître en 70. Je crois que c'est parce qu'il est un peu en décalage avec les attentes de la jeune génération. Et c'est surtout ça qui fait qu'il n'y a pas une relève énorme et surtout que les sites de Montmorin ont répondu aux questions que Méroc se posait et donc il faut qu'on arrive nous avec d'autres questions aujourd'hui pour les interroger différemment. Amélie Vialet, merci beaucoup et tenez-nous bien sûr au courant. En cette fin d'émission, je saluerai la mémoire d'une préhistorienne, Yvette Taborin, qui par son enthousiasme donna à des centaines d'étudiants de l'Université de Paris 1 le goût de l'archéologie et de la préhistoire. Nombre lui doivent aujourd'hui beaucoup. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Benjamin Vignal et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons le site de Ben Samoun, bien sûr dans la vallée du Jourdain, avec Fanny Beaucantin.